its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. C'est un coup frustré, ils ne savent pas comment s'aimer. Comment aimer une troisième personne? Mal dans leur peau, problème psychique. Pas de psy pour les aider. Ils lâchent leur haine, son petit être, qui n'a rien demandé à arriver dans ce monde. Juste quelques baisers de celle qu'il a enfanté. Il est battu par ses parents. Sa vie sera gâchée à cause de ses parents engines. Ne voyant pas que leur enfant reste une victime. Ils l'utilisent pour ce mal, ils l'utilisent comme une arme. Cette arme a une arme. Ils l'utilisent comme une arme. Cet enfant a une arme. Emprisonné de ses coups, dans cette maison qui est devenue celle de l'horreur. Comment cet enfant peut se défendre, qui pourra entendre ses cris de douleur? Tous les soirs dans sa chambre, il a peur, son âme meurt. Il est trop jeune pour en parler, trop jeune pour comprendre ce qui lui arrive. Ici c'est toujours Halloween, la peur au ventre, la crainte du humain qui se lève, la crainte du geste brusque. Lui c'est pas du loup qu'il a peur, c'est pas du monstre sous le lit, mais simplement du sang qui le lie. Ses parents, il ne peut pas mordre comme un chien qu'on en frappe souvent, qui se retourne un jour contre son maître. Non lui, subit, n'a pas d'envie, ne connaît pas encore le mépris. Il connaît la peur de la prochaine baffe. Cet enfant désorienté ne peut pas se faire soigner sans l'avoir demandé. Un beau jour de printemps, le couple se réconcilie sous les draps. Ce beau jour de printemps, des parents inconscients laissent leur enfant dans la chambre. Ils s'élancent vers la fenêtre, où chaque jour ils pouvaient apercevoir les oiseaux qui volent en toute liberté et n'ont marre de souffrir. Ils rejoignent les oiseaux qui redonnaient le sourire et l'envie de vivre. Et l'envie de vivre. Et l'envie de vivre.